Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 259 et Paul McCartney est bientôt in town. Ah, pas à Bordeaux, j'aimerais bien qu'il soit à Bordeaux, mais il est bientôt en ville, il est bientôt dans le pays, il est bientôt en France, c'est ce que je voulais dire. Et pour faire honneur à Paul McCartney, j'ai décidé que cette fois-ci, ce serait du 100% live virtuel de Paul McCartney. Donc, il y aura du McCartney au cours de ces divers shows. J'ai fait, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait 5 playlists parce qu'à chaque fois, je me disais... 2 heures, c'est tellement court. On va passer ça. Je voulais essayer de passer plus de McCartney que de Beatles. Et puis je me disais, oui, mais là ça manque. Là ça manque. Alors je corrigeais. Et puis à la 5e, je me suis dit, allez, je laisse comme ça, je ne touche plus à rien, je ne change plus aucune chanson. Et je leur propose cette version de mon show de Paul McCartney. Bien sûr, je n'ai pas consulté aussi sa setlist actuelle. Donc, bah, profitez-en. Imaginez que Paul McCartney est déjà là et qu'il nous fait un show pour nous, pour vous, les auditeurs de la saga des Fab Four, et j'espère que ce sera bien. Voilà ce que je voulais pouvoir vous dire. Vous nous retrouvez bien entendu sur 90.7 pour ceux qui sont dans la région bordelaise. Vous nous retrouvez sur www.rigfm.fr pour la région bordelaise et le reste du monde. Et surtout sur le groupe Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, où nous allons pouvoir discuter. Vous vous faites inscrire sans aucun problème en quelques secondes sur le groupe, si vous n'y êtes pas déjà. Et également sur le site web www.macaclub.com. Et vous allez dans la rubrique La Saga des Fab Four pour discuter avec nous. Voilà. Je pense qu'on va arrêter maintenant parce que qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que c'est prêt. Showtime! Ok, here we go. Right, let's go. La première chanson sur RIG pour nous accueillir, ça n'a jamais été chanté en live, je crois. Et c'est bien dommage parce que quand vous allez l'entendre, en ouverture de show, ça, ce serait vraiment, vraiment formidable. Nous sommes en 1979 sur l'album Back to the Egg et Monsieur Paul McCartney nous chante « So glad to see you here ». Thank you. concert qui démarre sur les chapeaux de roue. Paul McCartney n'a même pas pris le temps de dire bonjour. Il a commencé avec So Glad to See You Here. Ok, c'est la première fois que je chante cette chanson à Paris. La plus belle ville du monde. Ça, ce sera pour le mois de juin. Après Liverpool. On écrivait vraiment des chansons très très courtes dans ces moments-là. Et il enchaîne avec Ben on the Run sur la RIG. Inside Vous êtes bien sur RIG 90.7. Je reviens en studio alors que la salle se rallume. Je pense que Paul va dire bonjour à tout le monde, va dire qu'il est content d'être en France, etc. C'est très très bien, Paul. Mais moi, je vais en profiter pour vous parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est elle qui dirige le Beatles Magazine à Londres, que vous pouvez retrouver sur beatlesmagazine.uk.com. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur plein d'autres plateformes. Vous voulez tout savoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 366 jours par an, même quand c'est pas bissextile, vous allez rechercher toutes les informations sur John Paul, Ringo, George, les tournées de Ringo, les tournées de Paul, les animateurs qui font des émissions comme par exemple Michael Honorato dans le New Jersey le lundi soir, comme Kyle le mercredi après-midi à Toronto, comme Brooke, excellente émission à Malibu le samedi et le dimanche. Vous pouvez tout savoir en allant consulter le Beatles Magazine. Voilà, c'est dit. Et j'ai entendu vaguement ce que disait Paul. Il disait merci, désolé de ne faire que 2 heures. Je fais ce que je peux, mais on va passer une bonne soirée ensemble et merci d'être là. Vous êtes mon moteur. J'adore continuer à faire des concerts pour vous. Voilà ce qu'il a dit. Et il s'est arrêté, vous savez, la main sur le cœur à humer la salle. C'est assez génial. J'adore ça. On reprend le concert, je pense. Les lumières viennent de s'éteindre. Probablement reconnu sur RIG, c'est Venus and Mars, Rock Show et Jet, je pense. Le concert de Paul McCartney retransmis en direct sur RIG, en virtuel bien entendu. Sitting in the stand of the sportsroom, waiting for the show to begin. Green lights, strawberry wine, a good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. We'll be right back. city. We'll be right back. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais Paul McCartney assure vraiment à bientôt 73 ans, on dirait quoi, qu'il a la trentaine et quelques là, à peine 34 ans, quelque chose comme ça, comme quand il avait chanté dans les années 70. Et il l'enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. C'est impressionnant, c'est Paul McCartney et c'est sur RIG. C'est extraordinaire, j'adore Paul McCartney en concert. Ok. Une chanson plus récente à l'instant sur RIG, That Was Me. That was me, at the scout camp, in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me. Playing conkers at the bus stop on a blanket in the bluebell. That was me. The same me that stands here now. When I think that all that stuff to make a life is pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me. Royal Iris on the river. Mercy beaten with the band. Yeah, that was me. That was me. Sweating cobwebs on the contract in a cellar on TV. That was me. The same me that stands here now. With faith to grieve that all of this will make a lifetime. Who am I to disagree? Oh, that was me. Me. Yeah, that was me. Paul McCartney va marquer un petit break parce qu'il va aller au piano pour la suite de son show. Je vous rappelle que pour l'instant, on a écouté une grande nouveauté en live. On l'avait jamais entendu jusqu'à présent. So glad to see you here. L'entrée de concert, c'était extraordinaire. I've just seen a face. I'll follow the sun. Ben on the run. Venus and Mars Rock Show et Jet. I saw her standing there. Et à l'instant, that was me. La suite du concert, c'est maintenant sur RIG dans la saga des Fab Four. All right, here we go. I'm done with this one. show et Paul McCartney, il va vraiment à fond. Il a l'air d'être ravi d'être présent ici en France et tant mieux. Il est tout content de sa blague, il est tout sourire, Paul McCartney. Vous êtes avec Thierry Gallet dans la saga des Fab Four, une saga consacrée au live de Monsieur Paul McCartney. Je me souviens de cette version. Après, à clin d'œil à Ringo Starr, il chante une de ses chansons, I Wanna Be Your Man, chantée par Ringo du temps des Beatles. Cette fois-ci, c'est Paul. 90.7, la radio qu'il faut écouter le mercredi soir entre 20h et 22h. Bye. Paul McCartney, moi j'ai le retour de la salle. Paul McCartney est en train de dire qu'il souhaite rendre hommage à John Lennon et que pour ce faire, il a fait un medley qu'il n'avait pas fait depuis un bon moment de quelques chansons. Une chanson, deux chansons des Beatles et puis un truc bien de John Lennon. Il précise que celui du milieu, c'est la version, enfin le rythme originel, le rythme qu'ils avaient choisi au départ et après ils ont accéléré. Ah, thank you. Thanks a lot. Still enjoying yourselves? Okay, I tell you what. We've learned up a little special thing, especially for Liverpool here. On a appris un petit truc spécial pour Liverpool. Ouais, ils se trompent quelquefois de vie. Maybe you're gonna help us out. C'est ça le virtuel. Qu'est-ce que vous voulez? You know the words? This is just a little tribute to someone we love dearly. C'est un hommage à quelqu'un qu'on aime énormément. Ça, c'est gentil. Out. un clin d'œil à Ringo, un hommage à John. Gageons qu'à un moment ou l'autre, il y aura un petit clin d'œil, un hommage aussi à George, et puis comme ça, il y aura la totale, quoi. Oh, le public reprend. All we are saying is give this a chance. Transmission du concert de McCartney virtuel se fait sur RIG 90.7. C'est pendant la saga des Fab Four. Que va-t-il nous réserver? On va savoir la suite dans quelques secondes, à mon avis. Paul McCartney en concert, c'est uniquement sur RIG. The road where maybe I could see another kind of mind. Hey! Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't hide. You know I wanted just to hold you. Do you have a reward? When I'm with you, I wanna stay there. And if I'm true, I'll never leave. And if I do, I don't go away there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you in. Paul McCartney va achever dans même pas deux minutes la première heure de son concert de deux heures ici à Bordeaux pour RIG. On a écouté depuis le début So Glad to See You Here, I've Just Seen a Face, I'll Follow the Sun, Ben on the Run, Venus and Mars, Rock Show et Jet. I Saw Her Standing There, That Was Me, Maybe I'm Amazed, un petit bout de Yellow Submarine, I Wanna Be Your Man, un clin d'œil pour Ringo Starr, She's Leaving Home, Birthday, un hommage cette fois-ci à John Lennon et aussi aux Beatles avec Strawberry Fields Forever, Help et Give Peace a Chance. Et puis à l'instant, Got to Get You Into My Life. C'est la saga des Fab Four, c'est sur RG uniquement le mercredi de 20h à 22h. Yeah. fancy a bit of rock and roll? Standing with a bootleg in your hand. moment, d'après vos réactions sur Facebook et vos réactions sur macaclub.com, eh bien, c'est un sans faute. Paul McCartney a très très bien choisi ses chansons pour le concert de 2h ce soir. Il nous reste encore à peu près 45 minutes de concert, donc on y va, on continue, surtout qu'il tient vraiment la forme. La radio de Paul McCartney. There were rules you never told me, never came up with a plan. All the stars that you showed me didn't help me understand. But I had to get it worked out. Everybody who could help saw that in the end it turned out that I had to. c'est Paul McCartney sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 259. Paul voyage entre les chansons récentes et les chansons beaucoup plus anciennes comme celle-là par exemple, c'est Lovely Rita sur RIG. Sorry, I'm reading the signs here. You get all these signs, you know, and part of your mind says, don't read them, because you're trying to do all the chords and remember the words and things. And then the other bit of your mind says, I'll read them, what the heck, it doesn't matter. This is good fun. Sign with your wife, mate. What? I can't sign wives at this stage of my career. You were made to go out. saga des Fab Four numéro 259 et on aimerait qu'elle ne s'arrête jamais parce que vraiment entendre Paul McCartney aussi en forme, chanter d'aussi belles chansons, il en manque plein. On aurait envie vraiment, vraiment d'entendre plein, plein d'autres chansons. Mais McCartney à la forme et il reste encore une bonne, à peu près une demi-heure de show avant de retrouver l'émission suivante et j'espère que ça va vous plaire jusqu'au bout. Je crois que celle-ci, celle qui arrive, est encore une chanson où on doit tous chanter ensemble. C'est Mrs. Vanderbilt sur RIG. You don't use money, you don't pay rent. You don't even know the time, but you don't mind. Ho, hey ho. Ho, hey ho. Ho, hey ho. Ho, hey ho. When your light is on the blink, you never think of worrying. What's the use of worrying? When your bus has left the stop, you better drop your hurrying. What's the use of worrying? public le suit, Paul McCartney, que ce soit dans les na-na-na-na-na-na, Hey Jude, ou dans les oh et oh, ça marche. Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four spéciale, Paul McCartney en live. Et maintenant, Paul... En mémoire de George. En mémoire de George, il a dit. Dernier point tout à l'heure, il y a un bon paquet de minutes en tout cas sur le show de Paul McCartney. On avait entendu Temporary Secretary, c'est tout nouveau et c'est drôlement bien en live. Coming up, Hi Hi Hi, Highway à la suite, Save Us, Queenie Eyes sans S, Lovely Rita, Hey Jude, Mrs. Vanderbilt et à l'instant All Things Must Pass en hommage à George. Vous êtes bien sur la RIG, c'est toujours la saga des Fab Four pendant encore une petite vingtaine de minutes. I've got a feeling deep inside. Ooh yeah, ooh yeah. I've got a feeling. A feeling I can't hide. Oh no. Ooh. Oh no. I got a feeling. Oh, please believe me. I'd hate to miss the train. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. again. Oh no. I've got a feeling I can't hide. Ooh, got a feeling. Ooh. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Ooh, yeah. But if you leave me, I won't be late again. Oh no, ooh, no, no. I got a feeling, oh, deep inside. Got a feeling, yeah, that I can't hide. Got a feeling. Paul McCartney nous a fait une version de Blackbird à fond la caisse, une version speedée. C'est bientôt la fin du show, je pense que là c'est le moment pour lui de nous sortir la guitare. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, and suddenly, why ain't she? yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Coming up before was recorded the Apollo. This next wee songy was recorded also in Scotland. It was like this. très très très difficile avec 50 ans de carrière de faire un show de 2 heures seulement, parce que 2 heures, excusez-moi, mais c'est franchement trop court. En principe, le concert s'arrêtait là, mais Paul McCartney est venu voir, avait fait une petite entente avec Eric. Il était venu le voir avant le concert, lui avait dit « Si jamais ça se passe bien, est-ce que je peux avoir une chanson de plus ?» Et vous savez ce qu'a répondu Eric ? Il a fait « Ok, go on, Paul. » Et donc, parce que Eric l'a autorisé, McCartney a une chanson de plus dans son concert. Cette liste tient la route, donc merci à vous. 2 heures, c'est peu, mais on en a vraiment eu plein nos oreilles. Merci à vous, et je vous laisse entre les mains d'Eric pour une très bonne émission sur Johnny de A à Z. À très bientôt, et à la prochaine fois. Au revoir.